Bon, on y va? Tout le monde est là? Tout le monde entend? On connaît la chanson et la phrase de celui qui signale qu'il n'a rien appris de nouveau. On connaît la chanson, dit celui qui devance les plaintes, les réclamations et les doléances. Celui qui a un coup d'avance et qui, blasé par le spectacle auquel il assiste, préfère passer rapidement à l'étape suivante. On connaît la chanson et pourtant, on chante. Et peut-être même que les chansons sont là pour ça, nous proposer le temps de quelques minutes, un espace où l'on sait exactement ce qui va se passer, avec des mots qu'on connaît par cœur et que tout le monde connaît, comme la suspension provisoire de notre solitude. On connaît la chanson est le titre d'un film d'Alain Resnais sorti en 1997 qui met en scène ce rapport musical à ce que notre existence a de lassant, de déjà connu, de répétitif, mais qu'on apprend chaque fois à formuler ou à chanter autrement. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. C'est une poupée qui fait non, non, non, non, non. Toute la journée, elle fait non, non, non, non, non. Personne ne lui a jamais appris qu'on pouvait dire oui. Il tape sur des bambous. C'est numéro un. Sur son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, par rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses L'aime. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle est jamais venue. Zaï, zaï, zaï, zaï, zaï, zaï, zaï, zaï. L'histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Bonjour François Thomas. Bonjour. Ça vous arrive de parler en chanson? À vrai dire, non. Et c'est étonnant d'entendre... Si, mais en chanson américaine, en chanson de comédie musicale, pas en chanson française. À vous parler souvent en chanson de comédie musicale? Ça peut m'arriver. En dansant? Non. Bon, parce qu'en tout cas, le film dont on parle aujourd'hui, il n'y a pas de danse, justement. Il n'y a que des chansons. Il n'y a que des chansons et des extraits. Chansons françaises, oui, ouais. Que des extraits. Même si, dans un premier temps, Alain Resnais s'était demandé s'il n'allait pas mettre aussi des chansons américaines. Et dans la bande-annonce que l'on vient d'entendre, c'est le principe inverse de celui qui régit le film. Les acteurs disent ce que d'ordinaire on chante, alors que dans le film, ils chantent ce que d'ordinaire on dit. Absolument, et c'est une bande-annonce écrite par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, réalisée par Agnès. Alors, vous êtes François Thomas, auteur de deux livres sur Alain Resnais, d'un documentaire télévisé sur On connaît la chanson, dont on va parler ce matin, L'atelier d'Alain Resnais, c'est le titre du film. Vous êtes collaborateur de la revue Positif et professeur à la Sorbonne Nouvelle, on l'aura compris, donc vous connaissez très bien le travail d'Alain Resnais. Comment parlez-vous du jeu d'acteur de Jean-Pierre Bacri, qui est le fil conducteur de cette série d'émissions cette semaine? Pour moi, le jeu d'acteur de Jean-Pierre Bacri, je l'ai découvert avec... Un air de famille sur scène. La pièce de théâtre, oui, absolument. Co-écrite avec Agnès Jaoui. Voilà. Et interprétée par notamment eux deux. Donc ce qui est frappant, c'est l'impossibilité absolue de demander comment il s'y prend, je crois. Dans d'autres cas, vous pouvez analyser le jeu, décomposer, vous dire que ceci ou cela est absolument prémédité à telle signification. Non, Jean-Pierre Bacri, vous le preniez véritablement en bloc. Donc il avait une présence extraordinaire sur scène. Un de mes grands regrets, c'est de ne pas avoir vu avant sur scène Cuisine et Dépendance. Mm-hmm. Et donc j'ai vu plusieurs fois Un air de famille sur scène. Si je relis la pièce aujourd'hui, ce que je fais de temps en temps, je me remémore toujours ses gestes, parfois l'emplacement sur la scène et aussi les intonations. Il faut dire que dans ce film, ou enfin dans cette pièce, mais aussi dans ce film, le film qui a été tiré d'un air de famille par Cédric Lapiche, ou dans On connaît la chanson, Jean-Pierre de même qu'Agnès écrivent pour des acteurs et en l'occurrence écrivent en partie pour eux-mêmes. Donc il y a une conformité totale entre le style d'écriture, ouais, et notamment la présence de tous les petits mots, eux, on, ben, etc., qui sont extrêmement importants. Quand vous lisez, vous vous rendez compte qu'un point d'exclamation, des points de suspension, un bon, signifie véritablement quelque chose, nous fait comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la tête du personnage. Comment expliquez-vous, parce que je vous pose ces questions, puisque vous enseignez hein, le cinéma à la Sorbonne Nouvelle, et notamment aussi le jeu d'acteur, comment expliquez-vous qu'il y ait si peu de choses en France sur le jeu d'acteur à la française, et même sur la comédie française? On a beaucoup cherché pour préparer cette semaine, il y a très peu d'ouvrages théoriques sur le sujet. Oui, alors, je n'enseigne pas le jeu d'acteur, hein, j'enseigne le cas échéant et très timidement à l'analyser, mais j'ai aucune formation, même s'il m'arrive de jouer dans des films d'étudiants pour m'amuser, pour leur rendre service. Difficile à dire. Ce qui se passe peut-être en particulier, hein, c'est tout simplement que l'analyse du jeu d'acteur en France, elle a d'abord été menée par des hollywoodophiles, comme Christian Viviani ou Michel Ciotta, qui ont en cours de route été influencés par un excellent livre américain, James Naremore, qui depuis traduit en français, et qui porte sur des acteurs américains et sur des vedettes américaines. Ce qui veut dire que c'est pas seulement les acteurs français qui sont peu étudiés, même s'il y a quelques livres, bien entendu, d'analyse assez serrée, mais c'est aussi les seconds rôles qui sont peu étudiés. Mais je ne sais même pas si, pour revenir à Jean-Pierre Bacri, je ne sais même pas si ça servirait tellement. Enfin, ce que disent tous les acteurs, c'est, ou beaucoup d'acteurs, hein, même s'il s'agit de jouer avec l'artifice, c'est de chercher la sincérité. Ouais. Et je ne vois pas quel acteur est plus authentique que Jean-Pierre Bacri. Encore une fois, on ne peut pas deviner où niche le savoir-faire, où niche l'être. Ça veut dire quoi, authentique pour un acteur? Je dirais en l'occurrence brut et semblable à lui-même, même si il était différent dans la vie. Mais on a l'impression qu'il arrive tel quel. Et là, après, ouais, si on revoit le film plus tard, non, on s'aperçoit que c'est peut-être aussi une construction. Et justement, et là on est au cœur des films dont on va parler cette semaine, et d'eux on connaît la chanson, sur la façon qu'a chaque être humain de se construire un personnage pour exister en société. Alors quelle différence, vu sous cet angle, entre nous tous qui vivons en société et les acteurs qui jouent devant une caméra? Bacri le disait lui-même, hein, disait « Chacun des rôles que j'ai joués m'a posé des problèmes spécifiques. J'ai affiné petit à petit la conception que j'ai du bon acteur, la sobriété, l'authenticité, l'absence de trucage. » On ne verrait plus un acteur en train de jouer, on surprendrait un mec en train de vivre quelque chose. Et c'est exactement le but aussi des personnages que nous voyons dans ce film, on connaît la chanson, François Thomas. Oui, absolument. J'ajoute que lorsque Jean-Pierre, dans la citation que vous venez de donner, parle de son évolution dans ce domaine, je crois qu'Agnès Jaoui l'a aidé aussi à cela, d'après leur témoignage sur leur première scène en commun. Par exemple, pour les premières répétitions de Cuisine et Dépendance, elle lui disait « Mais attention, tu insistes trop, tu appuies chacune des répliques par un geste, tu peux adoucir. » Ce qu'il a fait, ce qui était merveilleux, pour revenir encore à un air de famille, ce qui était merveilleux, c'était les gestes, non plus rares, mais extrêmement expressifs de Bacri. On parlera d'un air de famille jeudi prochain en compagnie de Cédric Lapiche, figurez-vous. Et si on a choisi de commencer cette série d'émissions avec On connaît la chanson, c'est justement parce que ce film met en scène le rapport au cliché, le rapport qui se creuse parfois entre la personne que nous essayons d'être et les mots, le langage, les chansons et même les films à travers lesquels nous existons. Et le film met cela en abîme de manière assez prodigieuse. Avant qu'on entende un extrait, dites-nous François Thomas, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Alain René pour qu'il décide un jour de faire un film dans lequel il intégrerait des bouts de chansons populaires? Il y a deux sources d'inspiration, et puis par ailleurs, il y a ce qu'en ont fait Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Qui donc ont co-écrit le film avec lui. qui ont écrit le film avec lui, mais le rapport de René avec le scénario est vraiment très particulier. Hein. C'est quelqu'un qui n'écrit jamais, qui détestait écrire ne serait-ce que des lettres. Ça a été la grande souffrance de sa vie, qui a donc, disons, besoin de scénaristes et qui, en même temps, influe grandement sur le résultat. Au point que certains de ses scénaristes, comme Georges Semprin, ont déclaré que René était véritablement le co-auteur du scénario. Le point de départ, donc, c'était deux aspects, disais-je. Le premier, c'était René avait découvert les séries télévisées d'un auteur, d'un dramaturge britannique qui s'appelle Dennis Potter. Trois séries, l'une avec des chansons des années 30, la deuxième avec des chansons des années 40 et la troisième avec des chansons des années 50. Vous voyez déjà que la chanson est complètement différente puisque lui, le film, mêle les décennies. Dennis Potter donc faisait interrompre ou plutôt prolonger l'action par des chansons, mais des chansons populaires, très connues, toujours, si ma mémoire est bonne, par leur interprète d'origine, et c'était des chansons intégrales. C'était par ailleurs, dans les trois cas, surtout dans celle des années 40, The Singing Detective, qui a le plus influencé, je crois, René, c'était l'occasion de jeu avec le temps, de jeu entre le réel et l'imaginaire, et avec une thématique assez sombre. Donc il s'agissait pour René de s'inspirer de cela tout en faisant autre chose, ne serait-ce que par hommage, et le film est dédié à la mémoire de Potter qui est mort quelques années avant. Et l'autre point, c'était le souvenir de conversations avec Nicole Vedrès, écrivaine, essayiste, également cinéaste, dont René avait été l'assistant 46-47 et qui disait que il y a autant de profondeur pour connaître l'âme humaine dans une chanson populaire que dans un roman long, bien fait et de bon goût. Le résultat, ça donne ça. Mais ça fait combien de temps que t'étais parti de Paris? Je sais pas compter. Tant que ça? Ouais. 8 ans. Hein. Et toi alors, c'est incroyable. T'as pas changé, mais alors pas du tout. Non mais je te dis ça sincèrement, c'est pas pour te faire plaisir. T'es encore plus belle qu'avant. Hein, trouves pas? Faut pas l'écouter, il dit ça à toutes les femmes. C'est une sorte de réflexe, tu vois. Tu peux pas s'en empêcher. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole. Non. Pourquoi tu dis ça? Bon, Nicolas, je te connais, hein, je t'ai vu faire. Bon, enfin. Tu fais passer pour qui? Mais je le pense. Non, mais je te trouve. Bon, évidemment, maintenant tu m'as refroidi un peu, mais ouais, écoute, c'est la vérité, tu es belle. Tiens, j'ai une photo, tu veux voir une photo de nous quatre? On va le tiens. Alors ça, c'est pendant les vacances de Pâques. Oh là là, ils sont grands. Oh, ils sont mignons. Mais qu'est-ce que ça me rappelle, cette photo? Ah oui, la publicité pour la chicorée, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Pour la chicorée? Non, je vois pas. Cette famille, tu sais, qui prend son petit déjeuner dans un champ de maïs. Ah oui, ça me dit quelque chose. Vous êtes mignons, tous les quatre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On connaît la chanson, c'est le film d'Alain René dont nous parlons ce matin. On parle de Jean-Pierre Bacri, d'Agnès Jaoui, d'Alain René évidemment, de Sabine Azéma, que vous avez entendu dans cet extrait. Elle joue l'amie Odile, l'amie de Nicolas, le personnage joué par Jean-Pierre Bacri, qui vient de rentrer de Londres, qui retrouve donc son ami. Il lui montre une photo qui présente sa famille parfaite. On est en plein dans la France des années 90 quand même. La pub Ricorée justement, ou Chicorée, va rappeler de bons souvenirs à tous ceux qui ont vécu cette période-là. Finalement, quand on entend la chanson qui vient tout d'un coup s'intégrer dans la discussion, François Thomas, on se dit, mais la chanson dit exactement ce qu'est le personnage pour nous autres spectateurs. Une espèce de masque, un jeu avec les faux semblants, un cliché dont peut-être le film viendra à bout. Tout à fait, mais la façon dont vous le présentez maintenant, ça n'est plus, je crois, celle d'Alain Aîné. Hein, c'est vraiment devenu celle de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Mais avant de continuer là-dessus, je voudrais dire que, en entendant la chanson là, j'ai eu un moment de décalage parce que j'ai cru entendre la voix de Sabine Azéma et de Jean-Pierre Bacri au moment, et non pas celle de Dalida et de Alain Delon, au moment de la chanson. De la chanson. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai vu le film un certain nombre de fois, mais ça produit des effets très très, disons, perturbants. Bon, dans d'autres cas, il y a un contraste total hein, entre l'apparence et la voix et du chanteur ou de la chanteuse et l'acteur ou l'actrice, et à, dans d'autres moments, comme ici, une certaine adéquation. Alors, oui, vous parliez de masque, je crois, donc ça, c'était vraiment la conception de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Jean-Pierre envisageait comme titre notamment « Standard ». Tandis que Agnès, à un moment, avait proposé « Chantons sous la dépression », ce qui n'avait, je crois, plus à personne, mais qui, après tout... qui est pourtant très fidèle au sujet du film. Oui, oui, absolument. C'était, commercialement, je ne sais pas si c'était une bonne idée de titre, mais c'était une idée fidèle. Oui, donc, Jean-Pierre et Agnès considéraient que la chanson d'Amboukka ne révélait pas, mais masquait. Il y a une réplique, d'ailleurs, dans Un air de famille, sur le dicton, un des personnages, le personnage de Bacri emploie un dicton, et le personnage d'Agnès proteste. Donc, il s'agissait, avec les chansons pour eux, de rejoindre le thème de départ, sur lequel René et les scénaristes s'étaient mis d'accord, le thème des apparences sous lesquelles nous déguisons. Mm-hmm. Et il y avait une sorte de disparate, disons, entre ce que Alain René voulait faire dire aux chansons et ce que Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri voulaient leur faire dire. Que René voulait davantage puiser dans le répertoire des années 30-40, c'est ça, alors que Bacri et Jaoui voulaient plus être dans les chansons contemporaines? Alors, c'est pas seulement une question de registre de chansons, mais évidemment, ça a beaucoup joué dans leur discussion. C'est aussi le type d'utilisation des chansons, leur nombre, leur placement et leur utilité. Jean-Pierre et Agnès, hein, dans la continuité des deux pièces qu'ils avaient écrites, puis des deux scénarios qu'ils avaient écrits, cherchaient une dramaturgie extrêmement bouclée sur elle-même, économe, alors que René avait davantage envie, en tout cas dans ce film, je ne dis pas de s'épancher, mais de mettre notamment davantage de chansons. Quant aux chansons anciennes, certaines ont été apportées par Agnès et Jean-Pierre. Mmh. Dans l'idée d'Agnès et Jean-Pierre, il fallait des chansons qui soient toutes extrêmement connues du public, qui soient des tubes, quitte à ce que ce soit des chansons plus anciennes, mais aujourd'hui toujours connues. Comme J'ai la rate qui se dilate, qui après tout avait été chanté dans d'autres circonstances et avec d'autres textes par Thierry Luron dans les années 70, par exemple. Ah oui, mais on trouve du France Gall, du Gilbert Bécaud, oui. Du Michel Sardou, du Gaston Ouvrard, du Alain Souchon et des Mitchell. Il y en a plusieurs dizaines, hein, des chansons. Il y en a beaucoup et certaines répétées plusieurs fois, mais dans celle que vous venez de dire, Michel Sardou, c'est René qui l'a, j'ai presque envie de dire, imposé. En ce qui concerne donc les années 30, ce ne sont pas des chansons populaires. Sur quoi se sont mis d'accord, je pense, Agnès et Jean-Pierre, c'était des chansons populaires uniquement. Et ce que René a apporté, c'est son enfance. Ce sont des chansons qu'il a entendues à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans, sur scène lors de ses vacances à Paris, à Pâques chez ses grands-parents maternels, à Pâques ou à Noël, ou qu'il a entendu chanter par son grand-père peut-être dans un cas. Donc des chansons qui lui évoquaient à lui beaucoup de choses, qui sont, à mon avis en tout cas, merveilleuses dans le film, mais qui allaient absolument contre le principe de chansons immédiatement reconnaissables et de chansons qui soient, dont il soit possible au public d'avoir la suite dans la tête, ou en tout cas pour la majorité du public. C'est ça. Ce faisant, le film s'adresse directement à une génération en fait de personnes qui va en 97 aller dans une salle de cinéma pour assister à ce film. Il y a un imaginaire commun auquel oui. s'adresse le film. Oui. Qui d'ailleurs peut-être ferait qu'il marche moins bien aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, ce qui a été étonnant, et je crois que ça a surpris tout le monde, hein, c'est à quel point il a bien marché à l'étranger. Oui. Alors que le producteur Bruno Pézeri, je crois aussi Agnès Jean-Pierre et Alain René, s'imaginaient que ça allait être difficile parce que ça n'est pas leur humus culturel. Et puis finalement, si. Et le succès du film a montré que les chansons anciennes ne nuisaient pas, ou peut-être ont nui pour une part à la diffusion télévisée. Selon Bruno Pézeri, le producteur, il y a une perte d'audience à un moment particulier lorsqu'il y a eu trois chansons anciennes à la suite. Mmh. Mais pour le grand public au cinéma, ou pour la critique, il n'y a jamais eu de débat, je crois. En revanche, ces débats étaient extrêmement importants sur le moment. Est-ce qu'il fallait tout miser sur, peut-être pas les spectateurs et spectatrices de 15 ans à 25 ans, mais il aurait pu y avoir davantage de chansons récentes. René en a apporté. Hein. C'est pas si simple que ça. Par exemple, les trois chansons d'Eddie Mitchell, c'est lui. Mm. Peut-être par sympathie pour Eddie Mitchell, qu'il avait rencontré grâce à Sabine Azéma, qui avait joué avec lui. Alors, comment intégrer des chansons au dialogue? Voici la voix d'Alain René en 1997. Et puis, vous entendrez ensuite quelques lignes de Proust qui expliquent qu'on peut tout à fait détester la mauvaise musique, la musique populaire, mais qu'il ne faut pas la mépriser. Je suis un formaliste et faire un film dans lequel il n'y aurait pas un parti pris de règles du jeu, je crois que ça me serait très difficile. Alors, la plupart du temps, et c'est ça qui m'intéressait le plus, peut-être, c'était une intervention de la chanson directement liée au dialogue, à la parole. Je veux dire, c'est une expérience que j'ai éprouvée dans ma vie, et puis que je crois que tout le monde éprouve, c'est-à-dire que pendant toute notre existence urbaine, des bribes de chansons de variété traversent notre tête et s'adapte automatiquement à certaines situations, à certaines émotions. Évidemment, le défi qui m'intéressait, c'était de raccorder le ton du dialogue au ton de la chanson. Détestez la mauvaise musique. Ne la méprisez pas. Sa place, nulle dans l'histoire de l'art, est immense dans l'histoire sentimentale des sociétés. Le respect, je ne dis pas l'amour, de la mauvaise musique n'est pas seulement une forme de ce qu'on pourrait appeler la charité du bon goût ou son scepticisme. C'est encore la conscience de l'importance du rôle social de la musique. Combien de mélodies, de nul prix aux yeux d'un artiste, sautent au nombre des confidents élus par la foule des jeunes gens romanesques et des amoureuses. Telle fâcheuse ritournelle que toute oreille bien née et bien élevée refuse à l'instant d'écouter, a reçu le trésor de milliers d'âmes, garde le secret de milliers de vies, dont elle fut l'inspiration vivante, la consolation toujours prête, toujours entr'ouverte sur le pupitre du piano, la grâce rêveuse et l'idéal. Tels arpèges, telles rentrées ont fait résonner dans l'âme de plus d'un amoureux ou d'un rêveur les harmonies du paradis ou la voix même de la bien-aimée. Qu'importe que les maisons n'aient pas de style, que les tombes disparaissent sous les inscriptions et les ornements de mauvais goût, de cette poussière peut s'envoler devant une imagination assez sympathique et respectueuse, pour taire un moment ses dédains esthétiques, la nuée des âmes tenant au bec le rêve encore vert qui leur faisait pressentir l'autre monde et jouir ou pleurer dans celui-ci. Telle fâcheuse ritournelle que toute oreille bien née, bien élevée refuse à l'instant d'écouter, a reçu le trésor de milliers d'âmes, garde le secret de milliers de vies dont elle fut l'inspiration vivante, la consolation toujours prête, toujours entr'ouverte sur le pupitre du piano, la grâce rêveuse et l'idéal. Ou comment, François Thomas, rendre ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle la chanson populaire? Vous connaissiez ce texte de Proust? Et non. Il s'applique parfaitement bien au film dont nous parlons ce matin. Absolument. Alors, ça m'amène à dire que René était la personne la moins méprisante du monde à l'égard des formes artistiques, toujours à défendre les personnes attaquées, toujours à trouver des qualités dans des films dont il pouvait reconnaître à demi-mot qu'ils étaient indéfendables. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui, au grand dam de sa famille dans son enfance et adolescence, disait-il, sa famille lui reprochait de ne pas avoir la hiérarchie des valeurs, lui le disait autrement, il ne fait pas de différence entre ce qu'on appelle parfois la culture haute et la culture basse. Et d'ailleurs, les films de Bakri et Jaoui posent cette question à chaque fois. On parlera du goût des autres demain, c'est exactement ça. Bien entendu. Donc, ils étaient certainement faits pour s'entendre, pour travailler ensemble, pour, dans ce film, j'ai presque envie de dire, militer de façon non démonstrative sur cette question. Mais en même temps, dans les films précédents, René avait pu, côté musical, s'adresser pour les partitions des compositeurs contemporains, disons plus ardus, comme Hans Werner Henze ou Christoph Penderecki. La question est de savoir comment est-ce que le cinéma, qui est l'art, un art populaire justement par définition, peut rencontrer la chanson, qui est un art encore plus populaire, dans l'œuvre de René, qui lui, jusqu'à présent, n'était pas considéré comme étant un cinéaste grand public. Oui, donc c'est évidemment... Comment qu'on puisse dire. Oui, c'était complètement inattendu. Alors, pas grand public, il avait tout de même eu quelques succès commerciaux, hein, mais pas du tout à cette hauteur-là. Ses succès, enfin même, c'est très injuste, son premier succès commercial, c'est Stravinsky, mais comme le film est interprété et... produit par, enfin coproduit plutôt, par Jean-Paul Belmondo, c'était un échec total pour Belmondo. Un succès pour René, mais un échec pour Belmondo. Et Mon oncle d'Amérique a été un succès surprise. 1 300 000 entrées en France, et avec On connaît chanson, de façon peut-être en partie prévisible, ou en tout cas espérée, mais pas à cette hauteur-là tout de même, je crois. Le film a eu à peu près 2 700 000 spectateurs. On connaît la chanson, aurait pu s'appeler On a tous le droit d'aller mal. Quel était le titre proposé par Agnès Jaoui, vous disiez ? La mélodie de la dépression ? Je crois que c'est ça que vous avez dit à l'instant. Chantons sous la dépression. Oui, voilà. Sous la dépression, merci. Et c'est exactement la question qu'on se pose quand on regarde ce film. On va revenir justement au personnage, mais cette fois-ci au personnage réel de Bakri, qu'on associe à cet homme qui aimait bien râler, qui était bougon et qui se sentait pas obligé d'aller bien. Écoutez-le, dans ce film, il joue le rôle de quelqu'un qui se croit malade, éternellement malade, et qui peut-être, l'est effectivement, et c'est pas si grave. J'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille, et le coccyx qui se dévisse. Et du magnésium, non ? Ouf, oui, vous pouvez en prendre, je vais vous en mettre. Enfin, à part ça, le magnésium, hein, ça se fixe pas, on sait pas grand-chose là-dessus. Si vous faites 2 examens à très peu de temps d'intervalle, les résultats seront complètement différents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et pour cette histoire de tension un peu basse, qu'est-ce qu'on fait alors ? Oui, elle est un peu basse. Mais si je vous prends votre tension dans 10 minutes, c'est la même chose. Elle peut très bien avoir monté, vous voyez ? Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve. Ben voilà, exactement. Bon, ben, je vais vous mettre des vitamines. Et puis, effectivement, oui... Un peu de magnésium. De toute façon, ça ne pourra pas vous faire de mal. Hein. Dites, vous êtes vacciné contre l'hépatite B ? Ah non. Ah, la fatigue, tout ça. On va faire un examen pour vérifier. Hein. Et l'hépatite B, c'est terrible, l'hépatite B. Ouf, c'est tout ou rien. Vous pouvez tout simplement faire une jaunisse. Ou alors carrément une cirrhose du foie, le cancer et compagnie. On ne peut pas prévoir. C'est la loterie, l'hépatite B. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Et dans votre vie en général, ça va ? Vous n'avez pas de soucis ? Ah, parfait, parfait, ma vie en général. Pas si bien d'ailleurs sa vie en général, François Thomas. Là encore, cet extrait saisit l'essence même de ce film qui est, s'il devait y avoir un, peut-être pas un message, mais un thème principal qui est nous avons le droit d'aller mal et c'est pas si grave d'aller mal. Oui, absolument. Nous avons le droit même d'être en dépression. Nous le comprenons de plus en plus au fur et à mesure que le film avance, et notamment lorsque nous découvrons tout à la fin. Désolé de révéler quelque chose qui se passe un peu avant la fin. Non, vous pouvez y aller. Oui. Le film est assez ancien quand même. Merci. Donc, lorsque nous découvrons que le personnage d'André Dussolier, lui aussi, est en dépression, mais Dussolier a proposé de le jouer de façon que ça ne soit pas visible. Et donc, que ce soit d'autant plus surprenant à la fin. Donc, enfin là, je sais que Agnès, Jean-Pierre ont reçu beaucoup de témoignages de personnes qui les remerciaient de ce message, qui effectivement, je vous l'avais dit, probablement, de leur point de vue en tout cas, le message principal du film. Alors, quant à la scène que vous nous avez fait entendre, je dois dire que j'ai eu la chance d'assister au tournage. J'étais sur le plateau ce jour-là, et Jean-Pierre était éblouissant. Pas seulement parce que il a fait parfaitement un centre de foi, mais parce que, côté synchronisme, il était absolument parfait. Il ne faut pas oublier que parmi les difficultés de ce film, vous avez insisté sur le succès du film, sur son côté populaire, mais ce n'était pas du tout gagné au départ. Hein. C'était un pari de production complètement fou. Donc revenons à Jean-Pierre interprète. La difficulté pour les comédiens, c'était ce synchronisme, c'était que cela ne se voit pas qu'il soit en train de chanter. Si vous regardez le film en accéléré, ouais, ou si vous coupez le son, ça ne se voit pas. Vous avez l'impression qu'ils sont en train de parler, et de parler de façon naturelle. Et voilà, et je dois dire que l'ingénieur du son, lorsqu'il a reçu un César pour ce film, a publiquement félicité Jean-Pierre Bacri. J'espère qu'il n'a pas vexé les autres ce jour-là, mais il a vanté Bacri comme un très grand professionnel. Et vous pensez qu'une des raisons de la popularité de Bacri auprès du public français est le fait qu'il ait souvent joué des personnages qui n'allaient pas très bien, comme si en fait on aimait Bacri parce qu'il nous donnait le droit d'aller mal, il faisait ressortir de nous-mêmes une partie qui n'est pas louée par les autres films ou les médias? Absolument, il en était très conscient. Je joue des personnages, disait-il, qui sont en crise. En crise? Bah, en crise, ou même quand on regarde ce film et d'autres films dans lesquels il joue, c'est des personnages en crise, mais dans une sorte de... C'est des personnages ordinaires, au fond. C'est ça, il n'y a rien de saillant, il n'y a pas d'héroïsme extraordinaire, il y a quelque chose qui nous ressemble profondément. Absolument. Alors, cela étant, ce sont des personnages en crise, mais qui apprennent, la plupart du temps, je crois, qui évoluent, dans le changent, courant ouais. Dans le courant. Donc ici, effectivement, il s'agit de l'acceptation de la dépression in fine, après s'être imaginé tout ce que nous avons entendu comme maladie possible. Alors, à l'opposé de la ritournelle, du tube et de la rengaine, on trouve dans le film un travail en profondeur qui est un travail de doctorante. Agnès Jaoui, donc, interprète Camille, qui travaille sur une thèse à laquelle personne ne comprend rien et qui finalement, c'était voulu évidemment de leur part, s'oppose à la chanson. D'un côté le sujet de thèse, de l'autre le tube, mais finalement les deux créent autant de malentendus. Écoutez. Ça va ? Très bien. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais pas tarder, moi. La surdouée de la famille. Ah non, Odile, arrête. Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Ah, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non ? Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Je te l'ai dit, non ? Ah bon ? Mais une thèse sur quoi ? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi? Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça. Non. Au lac de Paladru. Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce... Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors? Pour faire parler les cons. Pas comme il... Moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose. C'est bien ce que j'avais compris. Et puis à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons. Je fais ce que je peux. Alors, contrairement à la chanson, la recherche universitaire aurait pour but d'aller au-delà, disons, des apparences, des lieux communs, pour s'approcher d'une forme de vérité. Dans le film, en fait, les deux conduisent à la dépression, hein, François Thomas. Absolument, enfin, une dépression absolument immédiate, puisque celle de, ou du moins les premiers symptômes pour le personnage d'Agnès Jaoui commencent juste après la sous-tendue thèse. avant même l'énoncé du verdict. Comme si les deux attitudes face à l'existence qu'on a tendance à opposer quand on est d'un point de vue, disons, du point de vue du snob, hein, disons, mais non, mais ceux qui réfléchissent, ceux qui vont au-delà des apparences, qui ne se contentent pas d'écouter des chansons à la radio, eux vont forcément aller mieux parce que le savoir va les aider. En fait, c'est ça qu'aussi que montre le film et qu'on trouve beaucoup dans les films de Jaoui et Bakri, indépendamment de ceux d'Alain René. Il y a cette espèce de nivellement. On est tous dans le même bateau. C'est ça qu'ils nous disent. Oui, absolument. Enfin, ce qui est passionnant et depuis le début, hein, c'est que dans ce film, vous avez d'une part des traits qui s'intègrent parfaitement dans la continuité de d'Alain René, et puis d'autre part, si vous prenez le film du point de vue d'Agnès et Jean-Pierre, il s'intègre également parfaitement dans la continuité. Bon, c'est aussi le signe de la grande liberté que, à beaucoup d'égards, René donnait à ses scénaristes. Mais on pourrait aussi dire que le film lui-même véhicule ces clichés-là. Ah, expliquez-moi en quel sens. Eh bien, parce que le film lui-même, avec le recours aux chansons, a recours à une certaine forme de légèreté, comme pour montrer, voilà, le sujet du film peut être difficile, mais le spectateur va passer un bon moment, comme si finalement on allait mal, mais bon, il fallait quand même sauver les apparences. Oui, alors, ça me fait penser au fait, tout simplement, qu'il y a un gros paradoxe, hein, qui est de faire un gros succès populaire avec un thème aussi, aussi dépressif, avec le thème de la dépression même. Et je crois que la force, justement, enfin, il y a deux forces dans le film. D'une part, c'est à partir du moment où Alain René, d'une part, les scénaristes, d'autre part, ne voient pas exactement les choses de la même façon. Mm-hmm. C'est beaucoup plus créatif et productif, je crois, que s'ils avaient vu les choses de la même façon depuis le début. Et d'autre part, c'est de mêler deux couches au moins complètement différentes. Mm-hmm. La couche profondément dépressive et puis la couche peut-être plus superficielle, mais la couche joyeuse que nous donnent toutes ces chansons. Si je puis revenir à la bande-annonce que vous avez fait entendre tout à l'heure, c'était assez stupéfiant de l'entendre en salle, puisque tout le monde riait, sauf moi qui ne connaissais pas les chansons. Ah bon ? Non. J'en connaissais d'autres du film, rassurez-vous, mais pas celle-ci. Bon, alors, je connaissais la bande-annonce avant de l'avoir vue en salle dans les semaines précédant la sortie du film, mais il y avait... l'annonce d'une légèreté. Et, semble-t-il, les personnes, disons, dépressives ou qui ont connu au moins un épisode dépressif se sont parfaitement reconnues dans les aspects plus noirs du film. Et puis, malgré tout, enfin, même si vous lisez la critique d'époque, tout le monde n'a pas perçu cette couche-là. Mmh. Alors, on va entendre un texte d'un auteur que Bakri cite à plusieurs reprises dans ses interviews, justement, lorsqu'il parle notamment de ce film. On parle de la dépression, c'est le sujet du film. On pourrait aussi dire la mélancolie, finalement, ce qui fait que nous autres êtres humains sommes toujours enclins à la mélancolie. Vous allez entendre quelques lignes d'un texte de Giorgio Agamben. Et puis, vous entendrez ensuite comment le film lui-même assume la dépression dans cette ère de comédie, peut-être pour la dédramatiser. Pourquoi les hommes qui se sont distingués dans la philosophie, dans la vie publique, dans la poésie et dans les arts sont-ils des mélancoliques, et certains au point de souffrir des maladies provoquées par la bile noire? La réponse apportée par Aristote à cette question marque le point de départ d'un processus dialectique qui lie indissolublement la doctrine du génie à celle de l'humeur mélancolique. Les gens qui deviennent mélancoliques deviennent aussi plus réfléchis, moins bizarres, et sur bien des points ils l'emportent sur les autres hommes, ceux-ci dans la science, ceux-là dans les arts, d'autres en politique. J'ai plus un brin de force, tu vois. J'ai l'impression que je vais tomber, mourir sur place. Mais oui, mais moi pareil. Et le cœur qui bat très très vite, très très fort, tu l'as aussi? Très souvent. Et le contraire? Hein, le cœur qui s'arrête net tout d'un coup. Tu as pas ça? Non. Non, ça non. Ah bon? Enfin, maintenant que tu me l'as dit, ça peut très bien m'arriver. Voilà, ça c'est comme moi. Sitôt que j'entends quelque chose sur une maladie, je l'attrape dans la seconde. Ah oui, ça moi aussi. Moi non. Oh si, dans la seconde. Ah non, mais c'est incroyable, Camille. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu m'as décrit, c'est exactement ce que je ressens. Tu veux pas savoir. Je suis allé voir 1000 médecins, je comprenais rien. Je me faisais un souci. Ah, je suis rassuré, hein. Je ne sais pas si je suis dépressif, angoissé ou spasmophile, mais je suis rassuré. Vous voulez pas discuter dans le salon plutôt? tiens toujours à faire croire à tout le monde que je maîtrise tout et que tout va bien. Pourquoi tu veux toujours faire croire à tout le monde que tu maîtrises tout et que tout va bien? Là, pour le coup, c'est raté. Camille, si tu veux, je te donne mon opinion. Moi, je te préfère comme ça. Ça, c'est vraiment toi. Chemin de la philosophie, France Culture, Aden Wandret. J'imagine, François Thomas, si on faisait les émissions de cette façon-là, où à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui fait écho à un tube contemporain, on le diffuse, ce serait quasiment inaudible, non ? Non, je ne suis pas sûr que ce soit inaudible. Si vous me permettez de réagir à ce qu'on vient d'entendre, sur le dialogue, ça rejoint ce que je disais précédemment. C'est une scène qui fait rire, hein, la naïveté, disons, du personnage de Macri. Et en même temps, vous avez entendu la musique lugubre de Bruno Fontaine là-dessous. Oui, des cordes. On peut tendues. Ne pas l'entendre, oui. Donc musique lugubre, et même dans le montage provisoire, René mettait souvent des musiques pour s'aider avec le monteur, et puis ensuite il la remplace par la musique définitive. C'était la gondole lugubre de Liszt. Ça a toujours été ce côté sous-jacent dans le film, hein, par certains moments. Je pense que deux spectateurs peuvent réagir de façon différente. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, le dialogue entre notamment les personnages de Bakri et Jaoui, autour du titre de la thèse. Donc nous n'avons pas vu tout à l'heure le visage d'Agnès lorsqu'elle hurle « Paladru !» Mais il y a une telle nervosité, une telle intensité que pour moi, c'est pas du tout drôle, c'est plutôt à coup de poignard dans le cœur. Mais je comprends très bien que l'autre interprétation soit possible. Dans le texte d'Agamben que vous avez entendu, il dit ceci de très beau. Alors il fait le lien après Aristote, hein, entre la mélancolie et le génie. Mais il dit aussi finalement les gens qui deviennent mélancoliques deviennent aussi plus réfléchis et moins bizarres. Comme si la mélancolie était ce qui nous rapprochait le plus des autres. Oui, ben, j'ai rien ajouté, désolé. Mais c'est ce que dit le film. Oui, bien sûr. C'est le but est toujours de revenir au film, hein. C'est pas tellement de commenter Agamben. C'est ce que disent ces personnages dans l'extrait qu'on a entendu, c'est que finalement, ils arrivent à se parler et à se trouver quelque part lorsqu'ils se rendent compte que l'un et l'autre sont aussi dépressifs. C'est la phrase que dit Bakri, le personnage de Bakri, dit « Mais elle est bien cette fille en fait, je savais pas qu'elle allait aussi mal ». Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à s'intéresser à elle. Et, alors c'est une phrase que Jean-Pierre aimait beaucoup et c'est la seule phrase dont il se rappelait qu'il avait écrite. Puisque dans le jeu de ping-pong entre les deux co-auteurs, hein, à l'arrivée... Personne n'est plus censé savoir qui avait écrit quoi, et dans plusieurs entretiens, Jean-Pierre dit cette phrase-là, qui était peut-être même, je crois, sa phrase préférée, c'est Agnès qui l'a imaginée. Donc la phrase, c'est « Elle est bien cette fille, je ne savais pas qu'elle allait aussi mal ». Oui. Comme si finalement, effectivement, c'est à partir du moment où on se rend compte que les gens nous ressemblent dans le mal-être qu'on peut s'approcher d'eux. Absolument. Alors pourquoi ce mal-être ? Alain René a eu une esquisse de réponse, parce que saviez-vous que pour Alain René, finalement, l'animal auquel l'homme se rapproche le plus, c'est le Bernard l'ermite. Son principe de survie, c'est de trouver un coquillage vide dans lequel il peut s'installer. Bon, alors ce personnage du Bernard l'ermite, qui m'a toujours beaucoup intéressé, parce que vous voyez tous les rapports qu'on peut faire avec notre existence, ses dangers, et notre vulnérabilité, même si on a l'air par l'apparence d'être une écrevisse très solide, par exemple. On en a beaucoup parlé avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bakri, et de l'autre, on est bien tombé d'accord que si à la fin d'un repas à 5 ou 6 personnes, la conversation faisait mine de tomber. Il suffisait de demander à quelqu'un s'il était content de son appartement et s'il allait en changer. Ou... En tout cas, je sais qu'à Paris, le Parisien est toujours dans une position de Bernard l'Ermite. Et donc l'image de Bernard l'Ermite a été un élément moteur dans ces discussions avec Jaoui et Bakri autour du scénario, François Thomas. Oui, tout à fait, enfin, mais même dès le départ. René avait l'habitude de partir non pas d'une idée de thème. La dépression, sauf erreur, c'est Agnès et Jean-Pierre qui l'ont apporté. La question des apparences était déjà là chez René, mais il savait très bien que ça allait recouper ce qu'il admirait dans les pièces précédentes d'Agnès et Jean-Pierre. René part d'idées de forme, donc la fameuse ingestion de chansons, ou congestion par moment, de chansons dans le film. Sinon, il avait apporté quelques idées, malgré tout, tout un stock d'idées disparates, dont Agnès et Jean-Pierre ont retenu relativement peu de choses, un personnage de guide, un personnage de semi-auteur dramatique, le personnage de Dussolier, mais il y avait également, d'emblée, la définition des personnages comme soit Bernard l'Ermite, soit d'autres animaux, puisque le Bernard l'Ermite n'est pas le seul qui atterrisse dans le film. Il y a aussi notamment un dauphin, notamment un phasme, et j'en passe. C'est ça, toute une métaphore animalière pour y parler de... Et une magnifique pieuvre sortant de la bouche de Sabine Azéma. Qu'est-ce que c'est que ces pieuvres? Vers la fin du film, il y a une pendaison de crémaillère. Enfin, le Bernard l'Ermite, qui est Sabine Azéma, en couple avec Pierre Arditi, achète cet appartement qu'elle rêvait de posséder. Et avant que se passe un retournement, justement, on se rend compte que l'appartement qu'elle a acheté, qui a une vue magnifique, cette vue va être comblée par des projets de construction. On s'est bien gardé de le lui dire. Avant, ce drame-là passe d'un personnage à l'autre, comme un surimpression sur l'écran, des méduses qui sortent de nulle part, c'est pas qui sortent de nulle part, qui n'ont rien à voir avec le film. On se dit, mais que se passe-t-il? Alors, il y a beaucoup d'explications qu'il serait possible de donner. L'une, c'est pour que le spectateur sorte médusé. Parmi les autres, René a toujours vu les personnages comme appartenant à un milieu aquatique. Il y a beaucoup d'allusions à cela. Dans la scène avec le deuxième médecin qu'on a entendu tout à l'heure, vous avez au fond, nous avons même entendu un peu le glouglou, vous avez un aquarium. Et dans les décors, il y a vraiment cet aspect-là qui est très fréquent. Ça pouvait rejaillir sur une sorte d'inconsistance que René trouvait par moments au personnage. Ensuite, il y avait l'angoisse des personnages qui est redoublée par les musiques pour cordes, souvent dissonantes, qu'a composé Bruno Fontaine pour les apparitions de Méduse. J'ai oublié quelque chose de très important, en tout cas, qui est la façon dont René le présentait. Mais généralement, lorsqu'il résout un problème formel, c'est avec ses manies à lui. Le terme est pas très très gentil, mais le problème formel, c'était, nous avons une crémaillère qui dure, je ne sais plus, 20 minutes, au moins, je vais parler de 20 minutes de film, peut-être davantage, comment faire des transitions pour que cela garde une certaine fluidité. Alors, soit on coupe, on passe à un moment situé 10 minutes plus tard, soit on fait des fondus enchaînés, et l'idée de René, ça a été, la caméra va basculer, et puis elle est entraînée, en quelque sorte, par la méduse que nous ajouterons au montage. C'est une idée. Il pensait méduse dès le début du film. Je n'ai pas parlé des méduses tout à l'heure, mais en plus du Bernard l'Ermite, ça faisait partie de ses idées. Ça fait partie, les méduses font partie de ses obsessions. Vous en avez par l'écran, mais vous en entendez parler, par exemple, dans Je t'aime, je t'aime, en 68. Donc, l'apparition de la méduse permet de faire basculer la caméra et puis elle continue de basculer ensuite sur une autre scène. Alors, j'oublie peut-être une ou deux explications possibles, mais je crois qu'il y a aussi tout simplement le fait de s'approprier le scénario, enfin de s'approprier le film, pardon, pas le scénario, et de faire un film qui ressemble davantage à un film d'Alain René. Le scénario tel quel, j'ai presque envie de dire le scénario sans les méduses et sans quelques autres aspects pouvaient ressembler à un film réalisé par d'autres metteurs en scène de plus jeunes, le cas échéant, de la période. Donc pour que le scénario lui ressemble, il rajoute des méduses. J'ai envie de dire ça, oui, tout à fait, pour que le film lui ressemble davantage. Ah, et puis j'ai oublié, pour que le film lui ressemble, notamment pour que le film soit insaisissable. Parce que René, d'une autre façon que Jean-Pierre Agnès, refuse les catégories. Donc avec des méduses, voici un élément qui sera inexplicable. De même que quand il adapte une pièce de l'auteur britannique Alan Ayckbourn dans Cœur, eh bien, vous avez la neige qui tombe sans discontinuer par les fenêtres, vous les voyez par les fenêtres, par les ouvertures de portes, sur Paris pendant 4 jours. Ça n'est pas dans la pièce et c'est la porte de René. Dans Les Herbes Folles, adapté d'un roman qui s'appelle L'Incident, un roman de Christian Gailly, eh bien, il n'y a pas, dans le roman, il n'y a pas d'herbe folle. C'est ce qu'apporte René. Un tout dernier point, vous nous avez appris que parmi les chansons qui n'ont pas été retenues par Alain René dans ce film, il y avait notamment une chanson d'NTM, J'appuie sur la gâchette. Pourquoi elle n'a pas été retenue? C'est pas René qui ne l'a pas retenue, au contraire, il l'a tournée, je l'ai vue, j'ai vu le film avec la chanson. C'était au moment où le personnage d'Agnès est bien désespéré, dans les couloirs de l'hôtel du Louvre, va emprunter un escalier qui descend dans les toilettes, et c'est le moment vraiment où la dépression entre de façon beaucoup plus profonde qu'avant. Et elle chantait, vous comprenez ce que je veux dire par elle chantait, nous l'entendions chanter ce morceau de rap et chanter, ok, j'arrête net, j'appuie sur la gâchette, et là, franchement... C'était trop ? Non, c'était pas trop, c'était absolument merveilleux. J'adorais cette scène. Je crois que j'étais pas le seul dans ceux qui ont la chance de voir le film avec. Mais vous aviez la gorge absolument nouée. C'était le moment le plus dramatique du film. Alors, Agnès, elle, est contente du résultat. Hein. Attention. Il faut que j'explique donc pourquoi la chanson n'est pas dans le film. Agnès n'était pas déçue, semble-t-il, je crois que c'est vrai, parce que son personnage, après tout, n'a plus de voix pour s'exprimer. Donc elle ne chante plus, et par ailleurs, c'était d'emblée le personnage qui chantait le moins. Alors, la raison du refus, c'est NTM qui a refusé, pour des raisons qui sont peut-être, qui ne voulaient pas être associés à un film bourgeois, qui ne voulaient pas que leur chanson soit coupée, non pas intégrale. Et qui ne voulait pas être associé à de la variété. Mais il y avait une autre fin possible aussi qui n'a pas été retenue, c'est la chanson de Rita Mitsouko. C'est comme ça. Oui. Alors là, c'est René, en effet, qui l'a... Alors, attention, hein, René a accepté certaines chansons dont il jugeait l'utilité peut-être moindre. Mais là, c'était... Donc, dans le scénario, c'est resté très très longtemps et c'était une fin absolument merveilleuse. Mais une fin qui ressemblait à du Jaoui Bakri et qui ressemblait moins à du René. Pourquoi ? Parce que René aime les fins multiples, 12 fins dans No Smoking et Smoking, ou les fins non conclusives. Alors que c'était une conclusion parfaite. Le sort des personnages était réglé en 4 coups de cuillère à peau. Lambert Wilson chantait « C'est comme ça ». Ensuite, nous avions... j'ai l'impression que vous allez nous le faire entendre. Donc, mais non, mais justement, en fait, c'est la fin de l'émission, donc je vous propose qu'on termine avec la fin qui n'a pas eu lieu. Vous choisissez, est-ce qu'on se quitte avec NTM ou avec Rita Mitsouko ? Avec les Rita Mitsouko, absolument. Donc, c'était une fin merveilleuse qui se terminait par du Solier. François Thomas d'être venu nous parler d'On connaît la chanson ce matin. Merci à vous. C'était un plaisir de vous écouter. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est déjà la fin. On ne peut pas entendre la chanson en entier car il est l'heure d'accueillir, de retrouver Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. On demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Aurélien, êtes-vous là ? Aurélien n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être en profiter pour écouter la suite de la chanson. Est-ce que ça, c'est possible? En attendant qu'Aurélien Bélanger se connecte, je pourrais vous la fredonner, mais ce sera moins bien que le groupe de Rita Mitsuko. Les voici. Alors François Thomas, vous, ça vous réjouit cette absence d'Aurélien Bélanger, quand vous avez encore des choses à nous dire, dites-nous. Bah, je peux simplement expliquer comment cette fin réglait en quelques coups de cuillère à peau la situation des personnages. Ouais. Lambert Wilson dans la rue chantait « C'est comme ça ». Ensuite, c'était Pierre Arditi qui chantait à Sabine Azéma « Je veux pas t'abandonner, mon bébé ouais. ». Puis Jean-Pierre Bacri qui chantait au personnage interprété par Jane Bicri. Qu'on voit dans le film, c'est vrai. Oui, absolument. Elle chante une de ses propres chansons et on s'aperçoit que... Elle partage absolument la même situation que celle de son époux Jean-Pierre Bacri, sauf que ni l'un ni l'autre ne le savent. Donc Bacri téléphone, on est en train de l'entendre je crois au loin, téléphone à son épouse interprétée par Jane Birkin et lui dit « il me faut prendre le frais, c'est vrai » ou plutôt lui chante « il me faut prendre le frais, c'est vrai ». Et Dussolier, c'est comme ça que ça se termine, chante Agnès Jaoui et « viens près de moi, que je te le dise, faut que je m'ouvre ce secret qui me tord le cœur. Je ne le chante pas plus que vous, mais c'était une conclusion absolument magique. En termes de bouclage de scénario, c'était absolument parfait, mais ça ne correspondait pas à l'esthétique d'Alain René. Il a fallu passer beaucoup de temps à essayer de trouver une fin, donc celle qui est dans le film. Allez-y, vous voulez encore dire un mot, François Thomas? Ah bah, je pourrais insister sur le fait que un de mes grands regrets, c'est que Jean-Pierre Bacri n'ait pas retravaillé avec Alain René, tout simplement. Donc en tant que scénariste, ça aurait été difficile, ils étaient trop occupés l'un et l'autre, Agnès et Jean-Pierre. Mais René avait proposé à Jean-Pierre de tourner un rôle dans « Vous n'avez encore rien vu ouais. », un film qui est un merveilleux hommage aux comédiens, qui explique que le meilleur ami, les meilleurs amis d'un metteur en scène, c'est les comédiens. Et dont les 13 personnages principaux étaient des comédiens qui apparaissaient en leur nom eux-mêmes. Sabine Azéma, Lambert Wilson, Pierre Arditi, André Dussolier, et j'en passe. Et il avait proposé l'un de ses rôles à Jean-Pierre Bacri. Mais ça aurait voulu dire, pour un rôle malgré tout très secondaire, une présence à un grand nombre de semaines. Et Jean-Pierre ne pouvait pas ralentir l'écriture du scénario sur lequel il s'était engagé à ce moment-là. Eh bien, merci de nous avoir aidé à conclure cette émission, comme ce film, On connaît la chanson, aurait pu être conclu. Merci beaucoup, François Thomas. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon Delasselle avec Jules Barbier, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Valentin Bobinet, la lecture des textes Vincent Schmitt. Et vous avez entendu la voix de Nicole Garcia également. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de Jean-Pierre Bacri des Comédies Françaises. Demain, nous serons en compagnie de Guillaume Leblanc, le philosophe Guillaume Leblanc. Il viendra vous parler du film Le goût des autres et se demander si c'est pas finalement le dégoût des autres. On y parlera évidemment de Bourdieu et d'autres philosophes. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, mais aussi la podcaster, la télécharger grâce à l'application Radio France. Je vous rappelle que nous sommes le lundi 8 mars sur France Culture et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, vous pourrez entendre Julie Gayet et Alice Zeniter dans La Grande Table, De l'esclavage des femmes dans Les Pieds sur Terre, Sylvia Plath à l'honneur toute la semaine dans La Compagnie des œuvres et enfin une émission sur le clitoris dans La méthode scientifique. Voilà, sur France Culture. Restez à l'écoute, nous on se retrouve demain, mais il est bientôt 11h. Bah, à mardi alors.